Seine n'a pas fini de nous étonner. Elle, que l'on pensait aride, se révèle étonnamment riche en eau, et c'est ce que viennent de démontrer deux études parues coup sur coup dans la revue Nature Astronomy. D'un intérêt scientifique certain, ces travaux apportent également de l'eau au moulin de la Renaissance lunaire. Avant-poste de l'exploration spatiale, station-service de l'espace ou bien encore colonie du futur, la Lune alimente depuis quelques années tous les fantasmes des géants du spatial. Alors avant d'envisager les ruées vers la Lune, on peut d'abord se poser la question de la faisabilité de ces projets, mais aussi et surtout saluer les découvertes scientifiques qui viennent d'être réalisées. Lune, la citerne de l'espace, c'est le programme aquatique du jour. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour sonder la surface de la Lune et aller chercher cette eau, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Agnès Fienga. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astronome à l'Observatoire de la Côte d'Azur et avec nous également Michel Vizeau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien et responsable de l'exobiologie au CNES. Mais avant de plonger dans l'eau de Lune, il est temps de nous ressourcer à la fontaine de l'actualité scientifique avec vous, Natacha Triou, puisque c'est l'heure du Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Antoine. Et on commence ce journal avec le sujet du jour. La loi de programmation pluriannuelle de la recherche a été adoptée hier au Sénat en commission mixte paritaire dans sa version finale. Oui, depuis la fin de l'année 2019, cette loi, la LPPR, est très contestée. Une large majorité des universitaires s'y sont opposés, ainsi que le CES, le Conseil économique, social et environnemental, et le CNU, le Conseil national des universités. Il a déjà été reproché à la ministre Frédérique Vidal un passage en force. On peut rappeler les conditions de son vote. Entre deux confinements, la LPPR a été présentée au Conseil des ministres durant l'été, et ce projet a fait l'objet d'une procédure accélérée pour être voté rapidement en septembre. Puis, tard dans la nuit du 28 au 29 octobre, une poignée de sénateurs a adopté cette réforme majeure. L'ensemble des syndicats craint une plus grande précarisation de la recherche française ainsi que sa privatisation. Mais alors que contient ce texte de loi, Natacha ? Alors l'Assemblée et le Sénat n'ont pas encore rendu ce texte disponible, mais on sait que la programmation budgétaire est étalée sur 10 ans au lieu de 7. La loi modifie également le cadre national du recrutement des enseignants-chercheurs et met à l'écart le Conseil national des universités. Alors, ce qui a également été validé, ce sont les CDI de mission pour recruter des chercheurs seulement sur le temps d'un projet, autrement dit des CDD, ainsi que les tenures track pour les CDD de 3 à 6 ans renouvelables avec éventuellement une titularisation à la fin. La LPPR va aussi favoriser les financements dits par appel à projet plutôt que des financements dits pérennes. Et enfin, un amendement adopté par le Sénat modifie le code pénal. Lors de grève, les occupations de fac seront punies par 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Et on passe aux brèves. Selon une étude parue dans la revue Science, certains anticorps du rhume commun pourraient également cibler le SARS-CoV-2. Peut-être que certaines personnes peuvent développer des anticorps qui répondent au SARS-CoV-2 grâce aux autres coronavirus saisonniers que l'on connaît, les rhumes. S'ils sont très éloignés du nouveau coronavirus, ils partagent néanmoins certaines similitudes structurelles. Une équipe britannique a analysé 300 échantillons de sang prélevés entre 2011 et 2018. L'équipe a découvert qu'environ 5% de ces échantillons contenaient des anticorps qui réagissent de manière croisée avec le SARS-CoV-2 dans une boîte de pétri. Ces anticorps à réaction croisée sont aussi plus répandus chez les enfants. Alors ce ne sont que des résultats préliminaires, mais cela pourrait expliquer, entre autres, pourquoi les enfants sont moins vulnérables à la Covid-19. En bref toujours, le premier essai d'un voyage avec des passagers à bord d'un Hyperloop a eu lieu dimanche dans le désert du Nevada. L'Hyperloop, c'est un projet de train ultra rapide qui lévite à grande vitesse grâce à l'électromagnétisme et qui pourrait relier Los Angeles à San Francisco en seulement 30 minutes. Le projet d'Elon Musk se précise. Deux employés de la compagnie Virgin Hyperloop ont testé un prototype sur une petite piste d'essai de 500 mètres. La capsule a atteint les 160 km/h. Bon, on est encore loin des 1200 km/h promis, mais l'entreprise pense obtenir un certificat de sécurité d'ici 2025 pour un lancement commercial en 2030. Merci beaucoup, Natacha. On vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. Alors, avant de débuter l'émission, on a appris avec beaucoup de tristesse hier le décès de Joseph Alterac. Joseph Alterac, qui était un immense historien de la science-fiction française. Il avait notamment co-signé avec Guy Coste une encyclopédie passionnante sur la rétrofiction française. L'équipe de la Méta Scientifique envoie bien évidemment toutes ses pensées à la famille et aux proches de Joseph Alterac. Et en hommage, nous rediffuserons ce vendredi l'émission que nous avions consacrée en 2018 à l'encyclopédie rétrofiction et dans laquelle nous avions reçu Joseph Alterac et Guy Coste. France Culture, la méthode scientifique, Antoine Beauchamp. De l'eau sur la Lune, rien de neuf sous le soleil, vous me direz. Pourtant, on n'en finit pas d'affiner nos connaissances sur cette présence d'eau à la surface de la Lune. Et cela passe par des travaux de recherche comme ces deux études récentes qui viennent pour l'une de prouver la présence de molécules d'eau de façon certaine à la surface de la Lune et pour l'autre de révéler l'existence d'une multitude de microcratères pouvant retenir en leur fond de la glace d'eau. Pour évoquer tous les enjeux liés à la découverte et l'exploitation potentielle de l'eau sur la Lune, nous recevons aujourd'hui Agnès Fienga et Michel Vizot. Alors avant d'aller plus loin dans l'analyse en détail de ces études, j'aimerais vous faire voyager un peu dans le temps et retourner en 1964. Écoutez ce que disait alors l'astronome Audouin Dollfus dans l'émission 100 milliards d'univers. La Lune est recouverte d'un dépôt poudreux. Cette poudre est constituée de grains de toutes dimensions, mais les plus nombreux sont les plus petits, de quelques microns de diamètre seulement. Est-ce que ceci explique aussi qu'il n'y ait pas d'eau sur la Lune ? Qu'il n'y ait pas d'eau sur la Lune est une autre affaire. Évidemment, on voit mal comment l'eau prendrait corps dans cette poudre, n'est-ce pas? Mais l'absence d'eau est due surtout à l'absence d'atmosphère, et l'eau serait évaporée immédiatement. Donc avant, il faut parler de l'absence d'atmosphère. L'absence d'atmosphère résulte de la faible gravité qui existe sur la Lune. La gravité, l'attraction, la pesanteur, n'est-ce pas, est environ 6 fois plus faible que sur Terre. Par conséquent, tous les corps sont plus légers, y compris l'atmosphère elle-même. Or, qu'est-ce qui arrive à une atmosphère ? L'atmosphère peut s'évaporer, n'est-ce pas ? Et s'évapore d'autant plus facilement qu'elle est moins retenue par son propre poids autour de la planète. La Lune ayant une attraction 6 fois plus faible, l'atmosphère qui l'entoure peut s'évaporer très vite. Il est infiniment probable qu'au moment de sa formation, la Lune était entourée, comme tous les corps célestes, d'une atmosphère. Mais la vitesse d'évaporation est telle que maintenant la Lune est presque dépourvue d'atmosphère. Donc pour nous résumer, une pesanteur très faible, donc pas d'atmosphère, et par suite pas d'eau. Pas d'atmosphère et pas d'eau, sûrement pas, de la poussière seulement. Voilà pour cet archive de 1964, les choses ont un petit peu évolué. J'aimerais votre réaction éventuellement à cet archive, Agnès Fienga. Oui, ben effectivement, c'est l'idée que l'on en a de prime abord, c'est qu'en fait, on a des corps qui sont petits, donc ils peuvent pas retenir en fait une production, que ça peut être une production gazeuse ou une production d'eau. Et en fait, il a fallu attendre toutes les mesures qui ont été faites via des spectromètres embarqués dans des sondes spatiales en orbite autour de la Terre, de la Lune, mais aussi en orbite autour de Mercure, et puis plus récemment aussi des images et des détections qui ont été faites sur des astéroïdes pour se rendre compte qu'en fait, non, il y a des traces d'eau en fait, sur des corps qu'on pensait complètement déshydratés. Michel Vizot, une réaction à cet archive de 1964 D'abord, au début, il ne dit pas qu'il n'y a pas d'eau. Hein. Il dit qu'il n'y a pas d'eau dans l'atmosphère. Effectivement, les données ont beaucoup changé. Hein. En 1964, on n'avait pas encore mis le pied sur la Lune. On avait très peu d'échantillons lunaires qui étaient uniquement quelques météorites. Maintenant, on a des kilos et des kilos. Il y a de l'eau sur la Lune, certes, mais c'est quand même pas non plus. On n'est pas prêt d'avoir une piscine. Hein. C'est quand même très très peu. Donc, c'est une interview d'un scientifique qui prend beaucoup de prudence et qui explique effectivement pourquoi, en tout cas, il ne peut pas y avoir d'eau liquide, et que même si elle est sous forme de glace solide, si elle n'est pas solidement retenue par des liaisons avec les minéraux qu'il y a autour, eh bien, elle va se sublimer, elle va s'évaporer, et donc on ne la trouvera plus. Donc là, ça veut dire que l'eau que l'on peut trouver, elle va être liée aux roches, et aux minéraux qu'il y a sur la Lune. Agnès Fienga, avant d'en venir aux études qui nous ont conduit à faire cette émission, d'autres études avaient prouvé qu'il y avait de l'eau sur la Lune. Alors, est-ce que vous pourriez nous rappeler brièvement ce que ces études avaient pu établir ? Alors, ce qui avait déjà été un peu fait, et puis donc comme je vous l'ai dit, on peut faire le parallèle un peu avec Mercure aussi, c'est qu'en fait il y a eu des détections radar depuis la Terre, depuis la grande antenne d'Arecibo, où en fait on avait déjà commencé à noter des signatures qui étaient proches de la glace d'eau au pôle lunaire. Et puis il y a eu notamment trois missions, donc il y a eu Luna Prospector et puis un appareil américain de la NASA sur la sonde indienne Chandrayaan. Et enfin un troisième instrument en fait qui était un spectromètre de masse aussi sur une sonde américaine LADEE. Donc tout ça dans les années très récentes, hein, puisqu'en fait tout ça c'est dans les Les années années 2000. entre 2000 et puis Oui. jusqu'à maintenant, hein, puisque LADEE c'est relativement récent, hein, c'est 2018, enfin un peu ouais, dans ces eaux. Et donc en fait ces trois missions en fait avaient détecté notamment des signatures à 3 micromètres. Donc on va aller voir un peu plus dans le détail après. Mais donc, on avait déjà détecté des traces d'eau associées alors avec un autre composé en fait qui est l'hydroxyle. Et donc, on avait déjà des signatures qui avaient été détectées grâce à ces observations de spectrométrie par ces trois différentes missions. Alors, si on se penche maintenant à présent sur ces études-là, qu'est-ce qui, dans la première étude sur laquelle on va se pencher, celle qui a été rendue possible par le télescope SOFIA, est vraiment nouveau, Agnès Fienga? Alors, ce qui est nouveau, en fait, c'est la longueur d'onde. C'est-à-dire que, en fait, au lieu de regarder à 3 micromètres, qui est une longueur d'onde qui est intéressante, comme je l'ai dit, pour détecter l'eau et d'autres composés hydratés, comme l'hydroxyle, à 6 micromètres, donc qui est la longueur d'onde utilisée pour cette étude, en fait, là, on est a priori uniquement sensible à l'eau, donc à H2O, au composé H2O. Et donc là, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils ont réussi en fait donc à mesurer des pics d'abondance, donc plutôt d'abord des pics d'absorption dans des spectres d'absorption à cette longueur d'onde-là. Il explique dans le papier en fait en comparant avec des spectres pour d'autres minéraux hydratés qu'ils ont tous comme spécificité, comme caractéristique. Commune d'avoir ce pic donc à 6 microns, donc ils en déduisent que c'est une signature liée à l'eau. Et à partir de là, en fait, donc en faisant des calibrations, en comparant deux zones, puisqu'en fait c'est une observation qui a été faite sur principalement deux zones à la surface de la Lune, l'une au pôle sud et l'une plutôt à l'équateur, qui est donc celle, l'équateur étant moins hydratée que celle au pôle sud. Donc ils aboutissent à une correspondance entre donc l'amplitude de l'arrêt d'absorption et l'abondance en molécules d'eau. Et à partir de là, en fait, il découle des conséquences en termes de potentielle détection ou de potentielle exploitation de ces quantités d'eau. Michel Vizeau, sur cette expérience, ce télescope SOFIA. Alors, quelles sont les capacités de cet observatoire stratosphérique pour l'astronomie infrarouge et puis comment est-ce qu'il fonctionne? C'est un observatoire qui a une très longue histoire, hein. SOFIA, ça date depuis très longtemps. C'est un observatoire qui est fait en commun entre l'Agence spatiale allemande, la DLR, et la NASA, basée au Ames Research Center en Californie. Donc, c'est un observatoire qui a un assez gros diamètre, hein, qui est un gros miroir et qui est placé à l'intérieur de la soute d'un Boeing 747 qui a été modifié de façon importante. Et donc, l'avantage, c'est que comme il arrive à voler à très haute altitude, il arrive à s'abstraire de l'obscurcissement de ces longueurs d'onde infrarouges par l'atmosphère terrestre. Parce que l'atmosphère terrestre, d'abord, elle contient de l'eau, donc si on est en bas, eh ben, il y a déjà de l'eau, et donc on ne peut pas se repérer l'eau si elle est sur la Lune. Et donc, il faut monter très haut pour que la contribution, tout ce qui aveugle de la surface de la Terre du rayonnement infrarouge puisse être visible. Et donc, bon, bah, y a les satellites, bien sûr, qui le font, et il y en a des très grands et des très gros qui vont faire. Je suis sûr qu'un jour ou l'autre, le JWST regardera la Lune pour regarder aussi s'il peut trouver de l'eau. Mais, donc voilà. Donc, quand on monte là-bas, c'est un observatoire qui est fait vraiment pour faire de l'astronomie. Et là, j'ai l'impression que les gens l'ont utilisé un peu par défi, je dirais, pour observer la Lune, sur une zone extrêmement limitée. Pendant plusieurs campagnes, et c'est là qu'ils ont été capables de faire ces mesures intéressantes, aussi bien au niveau donc du pôle sud proprement dit qu'au niveau de l'équateur. Donc c'est un observatoire qui fonctionne depuis une dizaine d'années maintenant, de façon avec des hauts et des bas. Il était plusieurs fois question de l'arrêter. Là, il est sûr que cette découverte va relancer son intérêt pour la navette. Agnès Fienga. Oui, et puis je rajouterai par rapport à ce que disait Michel que l'intérêt de pouvoir faire ces observations sur SOFIA, en fait, c'est que ça coûte beaucoup moins cher de mettre en place ce type de mesure sur SOFIA que de demander une mission spatiale et d'embarquer un instrument qui va être spécifiquement un spectro pour cette longueur d'onde particulière de 6 micromètres. Donc ça pourrait être aussi vu comme un test de faisabilité. Mmh. Puisque en fait c'est une aussi des limites de ce papier qui est extrêmement intéressant, c'est le fait que, comme je le disais, ils ont regardé que deux zones assez spécifiques. Et notamment, je vous interromps, un cratère qui s'appelle le cratère Clavius, qui fait 225 km de diamètre, et qui est, pour les amateurs de science-fiction, le lieu de la base lunaire dans le livre 2001, l'Odyssée de l'espace. Je vous cède la parole à nouveau, pardon. Et d'un autre côté, en fait, c'est une observation qu'ils ont fait un jour. Donc en fait, ils ont fait ça le 31 août 2018. Et donc, c'était vraiment un tir d'essai, en fait, pour voir ce que ça pouvait donner d'observer dans ces longueurs d'onde-là. Et clairement, en fait, cette étude, elle est très intéressante, elle ouvre des perspectives et elle demande, en fait, à pouvoir faire vraiment ce qui a été fait dans d'autres longueurs d'onde, c'est-à-dire un scan complet de la surface et à plusieurs, avec des dates différentes, de façon à pouvoir tester les différents angles d'ensoleillement, etc. Donc, c'est en ça aussi que faire cette observation sur SOFIA, ça permet en fait aussi de faire des tests de faisabilité avant de pouvoir demander une mission spatiale ou mettre en place une mission spatiale typiquement sur ces longueurs d'onde-là. Voilà, on le rappelle bien, cette observation, on ne peut pas encore l'extrapoler à toute la Lune, on ne peut pas affirmer avec certitude qu'il y a de l'eau partout sur la Lune. Là, c'est vraiment des observations très ciblées qui sont des premières étapes, on va dire. Agnès Fienga. Voilà, à cette longueur d'onde-là de 6 micromètres, effectivement, c'est ce qu'on peut dire. Après, on aura sans doute l'occasion d'en discuter un peu plus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de modèles, en fait, qui expliquent, parce qu'elles sont étayées, justement, par les observations qui ont été faites précédemment à 3 micromètres, et qui, effectivement, expliquent assez bien un possible cycle de l'eau à la surface de la Lune, oui. Avec des mécanismes de libération de l'eau, avec des questions extrêmement intéressantes sur le fait que, pour pouvoir avoir une libération de l'eau telle qu'elle a été observée par les satellites dont on a parlé précédemment, et donc par justement ce développement de petites exosphères, donc de petits nuages d'eau à la surface de la Lune, on y reviendra. Ça demande aussi avoir une réserve d'eau sous en fait la croûte. Voilà. Et donc là, c'est passionnant aussi parce que ça interroge en fait sur le fait qu'il pourrait y avoir de l'eau en fait plus profondément. Et ça, c'est très intéressant parce que quand on pense à l'eau avec notre vision géocentrée, on pense à des lacs, on pense à des rivières, on pense à des étangs, mais là, c'est pas du tout une eau sous cette forme-là. Michel Vizot sur la Lune. À quoi elle ressemble cette eau? Où est-ce qu'elle est stockée? Il y a plusieurs hypothèses qui sont liées à la formation même de l'eau. Il peut y avoir, je pense sous le contrôle d'Agnès qui connaît ça beaucoup mieux que moi, mais il peut y avoir de l'eau qui a été apportée par les météorites ou des comètes qui sont écrasées et qui s'est retrouvée piégée, entre des petits grains de minéraux sous forme de glace qui est restée sur place, etc. Il y a deuxièmement de l'eau qui a pu se former lors des impacts et qui a été emprisonnée dans des petites billes de verre, pour simplifier. Et enfin, il y a de l'eau qui a pu se former sous l'effet des rayonnements solaires par l'impact des atomes d'hydrogène qui viennent du Soleil, qui viennent frapper la surface de la Lune et qui peuvent rencontrer sur place soit des radicaux hydroxyles, dont on parlait plus tôt, enfin des OH, donc qui sont liés à une roche et qui s'en détachent pour faire de H2O, et donc qui forment à l'intérieur de la roche quelques molécules d'eau. Donc il y a plusieurs hypothèses possibles, et bien entendu, elles sont sous des formes différentes. S'il n'y a pas de lac, il n'y a pas de sable mouillé, comme on a pu le penser, par exemple, sur Mars, sous la banquise, sous la croûte polaire. Donc, c'est vraiment de l'eau qui est liée à la roche, liée aux minéraux qu'il y a sur place, qui est physiquement liée, qui est peut-être même emprisonnée moléculairement, j'allais dire, à l'intérieur de ces roches. Et donc, c'est pas de l'eau, c'est pas, il y a ni rivière, il y a pas de rivière, il n'y a pas de piscine. Hein, c'est pas, oui. Et cette eau, elle n'est pas facilement extractible, parce que sur Terre, on connaît des minéraux, par exemple, qui ont de l'eau de constitution qui est relativement facilement extractible. Le plus simple, c'est le gypse, avec le gypse, ouais. Plâtre. Hein, enfin, un four à plâtre, on chauffe, et bon, là, sur Terre, on récupère pas l'eau, On récupère le plâtre. On récupère le plâtre. c'est pas tout à fait comme ça que ça peut se passer sur la Lune, en fonction justement des hypothèses sur la formation de l'eau et la présence de ces minéraux qui contiennent de l'eau. Je n'ose même pas dire hydratée. Alors là, je pars un peu sous contrôle d'Agnès. Je n'ose même pas dire hydratée parce que je suis pas sûr que ce soit sous cette forme-là qu'il est venu. Agnès Fingen, réaction à ce que vient de dire Michel Vizeau et sur cette eau captive de la Lune. Oui, oui, alors Michel a raison. Alors c'est vrai qu'il y a différents niveaux de modèles. Alors il y a donc l'apport exogène d'eau donc par des comètes. Ça, c'est le scénario le plus simple, j'allais dire. Il y a aussi le fait que, comme on vous l'avez expliqué clairement, en fait, c'est qu'on a a priori un silicate vitrifié. Donc silicate vitrifié, c'est un silicate qui a été monté à très haute température via en particulier des micro-impacts, donc des impacts de micro-météorites qui a très très régulièrement à la surface de la Lune et qui du coup en fait soumettent ce silicate qui correspond en fait aux régolithes, en fait, pour dire les choses plus simplement. Les régolithes, on rappelle ce que c'est. Donc la poussière, en fait. Oui. Donc c'est la poussière sur la surface de la Lune qui est constituée en fait de ce matériau en fait qui est assez proche du sable à peu près. Hein, Michel, oui. On peut dire ça comme ça. Et du coup, très, en fait, voilà, très très fin, voilà, très fin, très abrasif aussi. Voilà, très collant, très abrasif. Et donc en fait, cette poussière qui est martelée par ces impacts de micrométéorites, et à chaque impact de micrométéorites, la température monte énormément, hein, on part de 2000 degrés, 2000 Kelvin, hein, et de degrés Kelvin, et donc en fait, il y a une partie de ce les silicates vitrifiés qui pourrait contenir de l'eau. Alors la question des molécules d'eau, la question est de savoir est-ce que c'est des molécules d'eau qui sont séquestrées, j'allais dire, dans ce silicate vitrifié, et si c'est le cas, d'où elle pourrait venir. Alors il y a des hypothèses, comme je le disais, d'eau qui aurait pu être séquestrée au moment du refroidissement de la Lune, donc après l'impact donc, qui a formé la Lune, formé et puis la au Lune. Moment du refroidissement et puis le refroidissement de l'océan magmatique. Il y a certaines hypothèses qui pourraient dire qu'en fait ces molécules d'eau seraient entre les grains de silicate. Mais justement, par exemple, le papier sur lequel on est en train de discuter, eux sont plutôt en faveur des molécules d'eau dans le silicate plutôt qu'entre les grains, sur des arguments qui se tiennent, hein, qui sont le fait que quand ils comparent différents types de matériaux hydratés qu'on connaît, disons que le spectre ressemble plus à un type de matériau qui intégrerait l'eau dans la matrice même. Du composé. Donc il y a tout un système qui est extrêmement intéressant justement de circulation d'eau, si on peut dire. Qui est très différent de celui qu'on connaît sur Terre, pour le coup. Oui, absolument. Donc en fait, où il y a le bombardement solaire qui va donc, on peut dire, soit enrichir, soit implanter en fait des protons dans cette couche en fait de poussière lunaire. Et si on associe ça à des différences de température qui varient entre 10 et 300 300 Kelvin à la surface de la Lune. Alors on rappelle pourquoi il y a de si grandes variabilités de température. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc c'est à cause des jours et de la nuit, en fait, de l'alternance du jour et de la nuit. Comme la Lune n'a pas d'atmosphère, eh bien du coup, en fait, il n'y a pas cet effet tampon de l'atmosphère terrestre qui va amortir, disons, les changements de température. Là, vraiment, on a soit du bombardement de protons solaires qui chauffent et on monte à 300, 400 degrés Kelvin, soit on n'en a pas et on tombe à 10 degrés Kelvin. Donc, en fait, si on combine, en fait, cette implémentation, comme disait Michel, de protons, ces alternances de température et sur des longues durées, parce qu'une nuit, lunaire dure 15 jours terrestres. Voilà, donc c'est des cycles en fait, donc des cycles plus longs. Et donc si on associe ça donc à des bombardements, donc à des impacts de micrométéorites, certains papiers laissent à penser qu'en fait ça permettrait justement de pouvoir libérer cette eau qui est emprisonnée, qui est séquestrée dans les silicates. Alors je dis ça, mais en fait ces papiers sont des papiers non pas à controverse, mais disons qu'il y a des discussions. C'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose qui est adopté par tout le monde. C'est pas définitif, oui. c'est pas définitif, notamment par exemple les papiers justement qui expliquent que les impacts de micrométéorites peuvent permettre la libération des molécules d'eau qui sont détectées par les satellites. Souvent en laboratoire, en fait, ils utilisent des simulations ou des outils pour simuler ces impacts qui souvent en fait sous-estiment la vitesse d'impact. C'est-à-dire que typiquement, ils vont utiliser des vitesses d'impact de 5 km/h alors qu'en fait les vitesses d'impact à la surface de la Lune sont beaucoup plus importantes. Oui, 5 km/s. Et donc les vitesses d'impact sont beaucoup plus grandes et aux vitesses d'impact réelles, qui sont plutôt aux alentours de 20 km/s, en fait, on a très peu de taux de survivance des molécules d'eau. Donc, il y a beaucoup de... Voilà, c'est des modèles extrêmement intéressants, mais qui, effectivement, demandent, sont pas forcément à adopter tout de suite. Il y a des choses qui sont encore à discuter. Quoi. Encore pas mal d'inconnus. Michel Vizeau, une autre inconnue de taille, c'est la question de la quantité. Est-ce qu'on peut avoir une idée d'ores et déjà des quantités d'eau présentes sur la Lune, ou c'est vraiment une question qui ne se pose pas encore en ces termes? Alors, bon, on est au cœur de la science. Vous comprenez bien qu'après ce que vient de dire Agnès, on est au cœur des débats scientifiques, de cette science qui se fait sous nos yeux aujourd'hui, sur des choses relativement simples. La molécule d'eau, la plus abondante dans l'univers après l'hydrogène et l'hélium. Donc, c'est quelque chose de vraiment, une molécule d'hydrogène. L'hélium, c'est pas des molécules, ce sont des atomes. Mais, donc, on est vraiment au cœur de la science qui est en train de se faire. Et en se posant une question simple, est-ce qu'il y a de l'eau sur la Lune et d'où elle vient? Eh bien, on est en train d'explorer tout un pan de la physico-chimie, des impacts, des roches, etc., qu'on n'avait pas vraiment observé avant. Alors, est-ce qu'il y en a? Ben, pour l'instant, les hypothèses qui sortent du papier qui vient d'être édité, là, sur les observations de SOFIA, ils estiment qu'il peut y avoir à peu près... en moyenne, 200 millionièmes de grammes par gramme. Ce qui est beaucoup, pas beaucoup, est-ce qu'on peut dire c'est quand même assez peu. 200 millionièmes de grammes par gramme, si vous mettez ça en quantité de sol, hein, vous le mettez en tonnes, donc ça fait 200 grammes par tonne. Ce qui est 200 peu. Grammes d'eau par tonne. Mmh. Donc, ce qui est extrêmement peu, et ils disent que la comparaison, c'est 100 fois moins que le taux d'hydratation du Sahara en plein été à midi. Okay. Donc, c'est quand même très, très, très peu. Mais encore une fois, il faut voir que on parle de l'eau qui a été détectée par SOFIA, donc ouais. C'est pas de l'eau dans un cratère en sombre permanent, etc., etc. Là, on est vraiment sur l'hypothèse à partir des observations qui ont été faites. Voilà. Donc, c'est extrêmement peu. Oui. Et donc 200 grammes par tonne, voilà, si un homme a besoin, disons, en moyenne, entre les besoins généraux, etc., mettons 10 litres d'eau par jour, donc tout de suite, ça limite un petit peu. Ça fait 50 litres. Hein. Oui, oui. Ça fait 50, il faut donc 50 tonnes, il faut traiter 50 tonnes de roche pour avoir... une journée de consommation humaine. Donc ça vous donne un ordre de grandeur, ouais. Hein, des choses. Donc c'est pour cette zone-là, avec cette observation-là, parce qu'il faut quand même toujours garder cette méthode scientifique. Ouais. Hein, ouais. Je veux dire, il faut partir de l'observation, non pas généraliser comme ça. Bien sûr, on ne peut pas extrapoler. Ouais. Hein. Donc n'extrapolons pas, mais simplement avec cette observation-là, à partir de celle-là, voilà. Donc c'est quand même très, très, très peu. Si je posais la question de la quantité, c'est pour glisser vers ce deuxième papier, cette deuxième étude qui, justement, a fait faire les gros titres, plus d'eau que prévu sur la Lune, etc., etc. Alors, Agnès Fienga, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette étude sur les microcratères de la Lune? Et pourquoi c'est cette étude-là qui, justement, vient raviver un petit peu les espoirs d'une plus grande quantité d'eau que pensée sur la Lune? Oui, alors c'est une étude qui est assez différente. Donc là, en fait, on fait pas de, les auteurs n'utilisent plus des mesures de spectrométrie. Mais en fait, ce qu'ils vont regarder, c'est plutôt la température. Donc en fait, ce qu'ils vont regarder, c'est d'abord, ils sont allés chercher les zones dans lesquelles on a de l'eau, on a des zones qui sont totalement protégés du rayonnement solaire, donc qui sont complètement ombragés, on va dire, donc pas ombragés, mais enfin qui n'ont pas de soleil, disons. Voilà, sont, ouais, voilà, c'est ça, shadowed, quoi, en anglais. Mm-hmm. Voilà. Et voilà, des zones d'ombre permanentes. Voilà, c'est des zones d'ombre permanentes qu'ils sont allés chercher. Donc, en fait, ils ont fait ça via, en utilisant des modèles de terrain, de topographie, puisque maintenant, on connaît la Lune quand même assez bien. Et donc, une fois qu'ils sont allés chercher ces zones d'ombre, donc en fait, ils ont montré qu'il y a une partie non négligeable de la Lune qui a effectivement des zones d'ombre permanentes. Alors, ça correspond à peu près à 0,15% de la surface de la Lune. Et à partir de là, en fait, Paul Haines, qui est l'auteur principal, le premier auteur de ce papier, en fait, il est le PI d'un instrument qui s'appelle Diviner à bord de LRO. Donc LRO, c'est un orbiteur autour de la Lune, c'est Lunar Reconnaissance Orbiter, en fait, qui est toujours en orbite autour de la Lune. Et en fait, l'instrument Diviner, c'est un instrument infrarouge qui a permis, en fait, de pouvoir étudier la température de surface, la surface de la Lune. Nous, on a eu l'occasion de travailler sur ces données. Et en fait, en allant regarder dans les zones qu'ils ont identifiées comme des zones des zones d'ombre permanentes, et du coup les températures et un modèle thermique de température pour ces zones. Ils ont montré qu'effectivement, il y avait une quantité non négligeable de zones, de cavités, on va dire, qui permettraient en fait d'avoir une température qui serait environ en dessous de 110 Kelvin. Donc 110 Kelvin, en fait, c'est la température qu'ils ont choisie pour dire que ces cavités permettraient justement de pouvoir garder des espèces de frigo, en fait. De la glace d'eau, voilà. Et donc, en fait, ils expliquent qu'en gros, ça fait à peu près 0,1% de la surface qui pourrait contenir, en fait, ces petites cavités. Alors, c'est des micro-cavités, hein, dans le sens où elles ont à peu près aux alentours d'un centimètre, en fait, de taille. Donc, c'est des petites cavités et qui sont principalement situées au pôle et notamment plutôt au pôle sud. Parce qu'en fait, on sait que la topographie entre le pôle nord et le pôle sud est un peu différente. Et donc, on aurait une grande quantité, en fait, de ces cavités qui pourraient potentiellement, qui auraient toutes les caractéristiques pour pouvoir abriter de l'eau. Mais dans ce papier, il faut être clair, il ne dit pas qu'il y a de l'eau. Il dit juste que... Les conditions sont réunies. Voilà, ils ont trouvé des cavités qui ont la bonne taille, la bonne forme, la bonne température et qui permettraient de pouvoir conserver des glaces d'eau sur de très longues échelles de temps. C'est ça qui est important aussi. C'est le fait que ça ne serait pas juste de l'eau qui pourrait rester là pendant quelques centaines d'années, mais sur vraiment plusieurs milliers d'années. Michel Vizot, ce qui constitue un intérêt dans ce que vient de dire Agnès Fienga, c'est qu'on parle de micro-cratères. Donc là, on n'est plus du tout dans des cratères très profonds comme il peut y en avoir sur la Lune. Là, ce sont des micro-cratères. Pourquoi ce fait que ce soit des micro-cratères est potentiellement intéressant pour, et on prend un peu d'avance sur le programme, mais pour la suite, pour l'exploitation? Parce qu'ils sont accessibles. Le problème des cratères qui sont en obscurité permanente au pôle sud de la Lune, c'est d'abord qu'ils sont très profonds. Deuxièmement, ils sont dans le noir et qu'il fait très froid. Donc, pour aller exploiter quelque chose, il faut envoyer des engins. Je ne parle même pas d'envoyer des hommes, hein, mais envoyer des engins dans des endroits extrêmement escarpés et abrupts, dans lesquels il n'y a pas d'énergie qui soit capable de fonctionner à moins de 100 degrés, pour simplifier. Hein, 100 degrés, 100 Kelvin, c'est à peu près moins de 100 degrés, enfin, moins 190. Et donc voilà, donc ça, c'est techniquement, ce sont des défis à chaque fois. Et puis, il faut savoir que de la glace d'eau à ces températures-là, c'est aussi dur que du béton. C'est pas de la glace qu'on met dans le pastis. Hein. C'est pas donc ça pose des défis. Ça poserait, l'exploitation de la glace dans les cratères poserait des défis techniques extrêmement importants et demanderait des énergies phénoménales qui ne sont pas forcément toujours disponibles. Et on va revenir tout de suite après. Excusez-moi. Le fait d'avoir de la glace, je dirais, dans des trous de golf, hein, pour simplifier, donner une petite image, eh bien, ça serait beaucoup plus accessible parce que là, pendant le jour lunaire, on a de l'énergie en abondance, de l'énergie solaire en abondance, et donc là, on peut effectivement aller ramasser cette glace comme on va récolter les radis. Et on reviendra tout de suite après la pause sur tous ces enjeux autour de l'exploration du sol lunaire, notamment pour l'exploitation des ressources en eau. Je te regarde d'un peu loin, j'aime prendre mon temps. Tu te souviens comme c'était bien, c'est encore mieux maintenant. Le vent qui fait danser les branches, c'est super beau. L'ombre et la lumière qui flanche, qui glisse là sur ta peau. Tête par Ben Lupus à 16h37 dans la méthode scientifique sur France Culture. Nous parlons tout au long de cette heure de l'eau sur la Lune avec Agnès Fienga, astronome à l'Observatoire de la Côte d'Azur, et Michel Vizeau, astrophysicien et responsable de l'exobiologie au CNES. Alors, on disait en première partie, ces deux dernières études ont bien prouvé la présence d'eau stockée sur la Lune. Tout ça dans un contexte où les agences spatiales prévoient de nouvelles missions habitées sur la Lune. On comprend donc que l'eau est un facteur déterminant de réussite et de survie de ces missions. Michel Vizeau, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais les deux études dont on parlait, qu'on évoquait, suggèrent que l'eau serait plus facilement exploitable que prévu sur la Lune. Alors on va éviter de s'emballer à supposer qu'une mission habitée soit sur la Lune. Qu'est-ce qui aujourd'hui rendrait cette exploitation de l'eau très très complexe à la surface de la Lune ? Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent rendre l'exploitation de quoi que ce soit, d'ailleurs, sur la Lune, compliquée. En ce qui concerne l'eau proprement dit, donc, si on considère, pour simplifier, trois formes, soit de l'eau emprisonnée dans des roches, dans les zones un peu pas trop exposées au soleil, celle du capsule Eupetectes Sophia. Donc, on va avoir de l'eau qui est extrêmement liée aux roches, et donc, il faut pouvoir la désorber ou détruire la roche pour extraire l'eau et la collecter. Donc ça demande des énergies extrêmement importantes. La deuxième chose, et puis il n'y en a pas beaucoup, encore une fois, il n'y en a pas beaucoup. Oui. La deuxième chose, c'est cette eau au fond des cratères qui sont dans l'obscurité permanente, qui sont donc extrêmement froids, qui sont extrêmement escarpés, abrupts, puisque le soleil n'arrive pas. Si les pentes étaient douces, le soleil arriverait à l'atteindre, mais donc ça, c'est pas le cas. Donc ça veut dire que ce sont des endroits escarpés, d'accès difficile, etc. On pense qu'il y a beaucoup d'eau. Et ce beaucoup, il y en a qui parlent de millions de tonnes. La NASA évoquait 600 millions de tonnes. Bon, tout ça, c'est des projections. voilà, sont des projections, et puis si on y est peut-être au total sur une trentaine, une cinquantaine de cratères, hein, divers et variés, donc c'est quand même pas aussi simple que ça. Mais en tout cas, chaque fois, c'est une infrastructure à mettre en place, mais il faut mettre en place un système de carrière, faire une carrière d'eau, comme on fait une carrière de marbre, une carrière de giche, ou une carrière de granit. Mmh. Donc, et c'est dur comme du granit. Donc c'est quelque chose qui va pas être simple et qui requiert quand même énormément, énormément d'énergie. Et puis, la troisième hypothèse, c'est cette hypothèse de ces petites, de ces mini cratères, je dirais, de quelques centimètres, de trous de golf qui sont répartis sur des surfaces importantes, etc. Et il faut aller ensuite aller récolter ces choses-là les uns après les autres, ce qui n'est pas quelque chose de simple non plus, et c'est la dispersion, cette fois-ci, qui rend les choses probablement délicates. Et puis derrière, au-dessus de tout ça, il y a un autre problème, c'est que la Lune, c'est d'abord de la poussière. Et cette poussière, comme on l'a déjà dit, est extrêmement abrasive. Si on veut faire une production de toiles à ponçage, c'est très bien, on peut aller sur la rue sur la Lune, c'est parfait pour faire la carrosserie, ce sera parfaitement lisse, elle est toute fine, il n'y a aucun problème. Mais ça a aussi un problème, c'est que ce n'est pas très bon pour les mécanismes, et ce n'est pas très bon non plus pour les vêtements des astronautes. Oui. Un des problèmes qu'avaient rencontré notamment les gens qui allaient sur la Lune, les astronautes américains qui sont allés sur la Lune. Et donc, cette petite poussière, elle a une particularité, c'est que bien entendu, dès qu'on commence à marcher dedans, qu'on met de l'énergie, qu'on soulève quelque chose, et cette poussière, elle se diffuse, elle est mobilisée, et elle ne retombe pas aussi facilement qu'on le croit. Parce qu'il y a des phénomènes électrostatiques et elle est pas en suspension. Ça n'existe pas. Elle n'est pas en suspension dans une atmosphère. Mmh. Elle est simplement maintenue en suspension par le rayonnement solaire, par les phénomènes, les effets électrostatiques, et ne serait-ce que par les radiations de la chaleur qui viennent de la surface de la Lune. Et donc, dès l'instant où on va commencer à avoir des activités intenses au niveau de la Lune, on va générer des quantités énormes de poussière qui vont se trouver entouré petit à petit de la Lune et qui vont poser à terme, d'après ce que j'ai cru comprendre des connaissances qui ont été accumulées jusqu'à présent, des problèmes au niveau déjà de l'abrasion même des panneaux solaires, hein, tous des engins qu'il y a là, et qui pourraient même diminuer l'accès à en partie l'accès à l'énergie solaire. Et donc tout ce qui est exploitation de la Lune, certes, quand on en parle comme ça tranquillement, c'est quelque chose qui semble théoriquement faisable, attirant, etc. Sur le plan pratique, ça semble assez difficile, d'autant plus qu'il n'y a pas énormément de moyens de se débarrasser de cette poussière. Agnès Fienga, sur cette question-là de la difficile exploitation de l'eau sur la Lune, pourtant, les grandes agences spatiales voient ces deux études d'un œil plutôt heureux et ça relance finalement des espèces d'espérances un peu folles. Alors pourquoi et sur quel point ces deux études viennent finalement relancer des espérances concernant l'habitation, la colonisation, on va employer des grands mots, de la Lune? Ah oui, alors donc ça, c'est des questions qui sont effectivement d'actualité, et puis Michel a sans doute pas mal de choses à dire là-dessus. C'est que, comme il a été dit, en fait, il y a un relan d'intérêt pour la Lune. Alors, il y a un aspect politique, hein. On a vu notamment la Chine lancer, là, on en est à Chang'e 3, non 5, donc on en est à la cinquième mission. 5, ouais, voilà, on en est à la cinquième mission lunaire. Donc, en plus, ils sont allés jusqu'à la face cachée de la Lune, où personne n'était allé avant. Donc il y a vraiment tout un engouement là-dessus qui a clairement un aspect politique, hein, parce que la Chine veut montrer qu'elle est une puissance spatiale au même niveau que les États-Unis. Donc là, c'est très important, du coup, pour les États-Unis d'essayer de rentrer dans cette compétition. Et puis, il y a aussi un autre rôle. Alors, il y a un deuxième aspect qui est aussi extrêmement intéressant, c'est qu'en fait, dans un futur plus lointain, bien sûr, l'homme a des idées, en fait, d'aller coloniser d'autres planètes, comme Mars en particulier. Mm-hmm. Et c'est vrai que la Lune, en fait, apparaît comme comme un, disons, un relais étape. Zone. Voilà, c'est ça, exactement. Un relais étape très intéressant pour les voyages vers Mars. Puisqu'en fait, du coup, ce qui est compliqué, en fait, quand on part de la Terre, en fait, c'est de pouvoir justement quitter la zone de gravitation. Oui, oui. Voilà, s'extraire de la gravitation de la Terre pour aller ensuite prendre le bon chemin pour vers Mars. Et donc là, l'idée, en fait, c'est de pouvoir aller d'abord sur la Lune. Donc on fait une grosse partie du trajet. La Lune est plus petite, elle n'a pas d'atmosphère, et après, on peut repartir de la Lune. Alors, soit par des bases directement à la surface, soit par des gateways, comme ça a été proposé par des industriels, qui seront des espèces de stations spatiales en orbite autour de la Lune, qui permettraient de faire ce relais. Et puis, il y a un troisième point, alors là, qui est effectivement encore plus intéressant, c'est que, en fait, vous le savez, on est là, dans nos périodes de réchauffement climatique, à vouloir effectivement développer des énergies alternatives. Et une des énergies alternatives qui est en cours d'étude, en fait, c'est tous les véhicules à l'hydrogène. Mmh. Donc ça, c'est une source de transport et d'énergie qui est dit inépuisable, mais qui nécessite en fait d'avoir accès à des sources d'hélium-3. Et en fait, cette source d'hélium-3, il se trouve qu'en fait, elle est extrêmement abondante sur la Lune. Et donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'industriels qui se sont réintéressés à l'exploitation lunaire, c'est aussi dans l'idée d'aller éventuellement développer des mines en fait, d'hélium-3 sur la Lune. Michel Bizot, pardon. Non. Michel Bizot, sur cette question du frémissement des grandes agences spatiales sur la question de la découverte d'une plus grande ou pas quantité d'eau sur la Lune. Alors, bon, d'abord, il faut savoir que... actuellement, donc, vraiment, il y a deux grandes agences spatiales qui ont les regards, et pas seulement les regards, tournés vers la Lune. Ce sont les Chinois et les Américains. Et les États-Unis. Mmh. Et il y a, avec un objectif, c'est de renvoyer rapidement pour les Américains des êtres humains sur la Lune. Et les Américains veulent faire une première en 2024 en envoyant... en permettant à la première femme de poser un pied sur la Lune. Et donc là, il y a une volonté, je dirais, politique de refaire des premières et surtout d'aller de montrer que on maîtrise un certain nombre de technologies et que il n'est pas question que les Chinois aillent dans un endroit où les Américains ne savent plus aller. Donc ça, c'est une compétition, une nouvelle course qui est en route. Entre ces deux agences spatiales, qui ne parlent pas tout à fait du même niveau, mais qui utilisent des méthodes différentes, mais qui ont quand même le même objectif, c'est-à-dire d'envoyer des êtres humains sur la Lune et de montrer qu'on peut y établir une base permanente. Alors la colonisation, c'est un autre problème, mais disons au moins qu'on peut établir une base permanente, visitable, et c'est l'objectif de ces deux agences. Et la fonction... Dites-moi. Alors ensuite, il y a une autre agence qui joue un rôle, c'est l'agence indienne qui prépare à envoyer Chandrayaan 3, qui a moins d'ambition affichée actuellement, du moins au niveau des vols habités, mais qui veut montrer qu'elle aussi, elle possède des technologies de voyage dans l'espace et qu'elle maîtrise les systèmes de navigation spatiaux. Et donc, elle va envoyer Chandrayaan 3 dans les quelques mois qui viennent. Donc, on voit que les grandes puissances sont actuellement en route, et la grande action, c'est l'Europe. L'Europe, elle a des projets. Elle a des projets en complément de telle ou telle action d'une agence. Elle est tous azimuts, pour employer un terme très gaullien, c'est un peu l'époque. Mais elle n'a pas d'objectif propre. Et elle essaye de s'accrocher à ces différentes locomotives et de faire un wagon pour arriver sur la Lune. Elle a proposé à un moment donné de faire le voyage lunaire, mais bien entendu, les ambitions américaines font que c'est quelque chose qui est actuellement un peu obsolète, je dirais, qui n'est pas du tout à l'ordre du jour. Donc voilà, donc il y a un intérêt parce que, deux choses, d'abord, c'est un signe de puissance, c'est un signe de maîtrise technologique, et puis, dans l'esprit des Américains, c'est juste le coup à jouer avant d'aller plus loin et d'aller vers Mars. Oui. Alors là, on voit bien tous les enjeux stratégiques, géopolitiques qui concernent la Lune. Et dans ces enjeux-là, l'eau, si on en revient à notre sujet, joue un rôle crucial. Sur la Lune, quelles pourraient être les diverses utilisations de l'eau? Et voilà, comment ça se passerait? Michel Bizot d'abord et puis Agnès Fienga ensuite. Alors, moi, j'ai une formation de vétérinaire. Alors, je dirais que c'est pour faire un peu d'agriculture, faire pousser des salades et des radis, de façon à ce que les astronautes puissent avoir des vitamines et profiter pleinement du plaisir de voir pousser des plantes et non pas de voir simplement un univers minéral. Donc, l'eau, elle a trois intérêts. D'abord, c'est quelque chose qui est indispensable à la vie des êtres humains, pour leur consommation propre et pour leurs besoins physiologiques. C'est une source éventuelle d'oxygène pour la respiration, donc parce que c'est quelque chose d'indispensable. Et enfin, c'est, comme l'a signalé tout à l'heure Agnès, un moyen de... C'est un carburant qui peut être utilisé pour aller plus loin et on pourra avoir envisagé des stations-service lunaires pour ravitailler les grands vaisseaux qui iront apporter tout ce qui est nécessaire pour envoyer quelques explorateurs vers Mars. Donc ça, c'est une hypothèse sur laquelle les gens travaillent. Et la Lune en elle-même, au-delà de l'eau, c'est un bon moyen de réviser tout ce qui est nécessaire pour aller plus loin et pour envoyer des astronautes dans les années fin des années 2030, probablement 2040, peut-être même 2050, des astronautes vers Mars. Donc voilà un peu les enjeux actuellement. Donc l'eau, c'est à la fois une motivation et c'est aussi un moyen d'explorer des méthodes qui nous permettraient d'aller plus loin pour, je mets ça avec plein de guillemets, oui, c'est encore probablement très théorique. Un peu moins cher. Oui, oui. Je ne suis pas sûr que ça soit moins cher d'envoyer une usine fabriquer de l'eau sur la Lune que d'envoyer quelques tonnes d'eau supplémentaires en orbite terrestre. Disons qu'une usine qui fonctionnerait de façon optimale sur la Lune permettrait de payer un litre d'eau dans la Station Spatiale Internationale moins cher qu'actuellement, parce que je crois qu'envoyer un litre d'eau dans la Station Spatiale Internationale aujourd'hui, ça coûte environ 10 000 euros. Pour un litre d'eau. Voilà. Et avec, je sais pas si ces chiffres sont fiables, mais en tout cas, voilà un petit peu les estimations. Je suis pas sûr que ça coûte moins cher de les faire sur la Lune, hein. Mais, mais non, je disais dans un futur beaucoup plus lointain dans lequel les choses fonctionneraient de façon optimale depuis un certain temps et que, voilà, la technologie serait rodée. Agnès Fienga, sur ces questions-là, Michel Vizé l'évoquait, la production d'énergie à partir d'eau pour du carburant, même pour des fusées, des engins spatiaux. Comment ça se passerait, cette production de carburant, et comment on peut créer du carburant à partir de l'eau? Alors là, vous m'en posez une bien bonne. Michel Vizot, peut-être, sur ces questions. Bah, écoutez, un des carburants les plus efficaces, entre guillemets, c'est le mélange hydrogène-oxygène. Quand on est au collège ou au lycée, on fait le mélange détonant, H2 plus O2, dans la bonne proportion, on met ça au-dessus d'une flamme, et poum, ça fait une petite explosion. Après, l'hydrolyse, parce que pour obtenir cette séparation de l'hydrogène et de l'oxygène, on part de l'eau et on l'électrolyse. On n'hydrolyse pas, on l'électrolyse, c'est-à-dire fait passer à travers un liquide un courant, et ce courant fait dégager de l'hydrogène d'un côté et de l'oxygène de l'autre. Donc ça, c'est des expériences de base, on peut faire ça quelques millilitres, c'est pas un problème. Et l'idée, c'est que d'avoir de l'oxygène et de l'hydrogène, d'en faire... de les refroidir pour en faire de l'hydrogène liquide et de l'oxygène liquide, et c'est ce qui notamment est utilisé pour certains moteurs d'Ariane 5 et futurs moteurs d'Ariane 6. Donc ce sont des moteurs, ce qu'on appelle les moteurs à carburant refroidi, hein, à liquide, et ça fonctionne très très bien. Agnès Fienga, pardon. Non, je vous en prie. Non, j'allais poser une autre question, mais si vous avez quelque chose à compléter, n'hésitez pas. Non, ça simplement, voilà. Donc c'est quelque chose qui se fabrique sur Terre, de l'hydrogène, de l'oxygène liquide, et qui est utilisé dans beaucoup de lanceurs. Hein. Et donc c'est l'idée de faire ce carburant pour permettre des atterrissages plus faciles de masses très importantes à la surface de Mars. Agnès Fienga, on parle des ambitions lunaires de grandes puissances terrestres. Il y a un risque d'embouteillage quand même, puisque la plupart des missions visent essentiellement les pôles de la Lune. Alors, pour quelles raisons ces grandes missions d'exploitation et de colonisation de la Lune visent les pôles? Ben justement, alors c'est ce qu'on a commencé à présenter, à discuter tout à l'heure, c'est qu'en fait, pour le moment, les grandes masses d'eau qui ont été, enfin les grandes masses d'eau, disons que les détections qui ont été faites de glace d'eau ont été faites au pôle, et en fait, les modèles qui permettent justement d'étudier et d'expliquer ce cycle d'eau à la surface de la Lune, en fait, explique notamment que du fait que les températures au pôle soient beaucoup plus basses que celles de l'équateur, en fait, si on doit aller chercher de l'eau quelque part, c'est évidemment sous forme de glace et c'est évidemment là où la température est la plus basse, donc plutôt à l'équateur, plutôt au pôle. Donc après, effectivement, en plus, comme je l'ai dit, donc avec le, dans le papier de Paul Haines, il explique que les micro-cavités, voilà, cavités avec des températures très basses, se trouvent plus majoritairement au pôle aussi. Donc c'est pour ça, en fait, qu'effectivement, il risque d'y avoir beaucoup de monde au pôle. À cela, en fait, j'aurais voulu ajouter quand même quelque chose. Alors, c'est un point de vue peut-être de planétologue, mais je trouve quand même que si on arrive à détecter de l'eau sur la Lune, il faut voir l'intérêt scientifique que ça va avoir. C'est-à-dire qu'en fait, ça va nous permettre de faire des analyses, de comprendre d'où vient cette eau. Parce qu'a priori, là, on en parle depuis tout à l'heure comme si c'était évident de l'eau, et normal, des lacs oui, de glace, oui, etc. Mm-hmm. Mais en fait, déjà, on n'est pas du tout sûr que ça va être des lacs de glace dans des fonds de cratères. A priori, on ne sait pas. Comme je le disais tout à l'heure, ça pourrait être de l'eau qui est en fait dans du silicate vitrifié, donc beaucoup plus difficile à extraire. Et puis, en fait, ça nous permettrait de comprendre d'où vient cette eau. Et là, c'est quand même un enjeu important parce que ça peut aussi complètement changer notre approche sur non pas la formation de la Lune, parce que ça, le scénario d'impact est quand même assez admis, mais plutôt de son refroidissement et de son évolution, oui, et du refroidissement et de l'évolution de la Terre aussi. Et de plusieurs planètes du système solaire également, oui, c'est bien sûr. Absolument, ça. Parce qu'après, il y a tout l'aspect, en fait, qui est certes moins industriellement intéressant, mais qui nous intéresse un peu plus, qui est quand même l'idée de pouvoir comprendre comment, en fait, l'eau peut se former sur d'autres corps que la Terre, donc la Lune, parce que là, elle est à côté. Mais on a parlé de Mars, on a parlé de Mercure, sans parler de tous les satellites naturels autour des planètes gazeuses, mm-hmm, notamment avec, donc là, des océans d'eau sous la croûte, donc sous, oui, la surface, comme Ganymède. Et puis, effectivement, aussi pouvoir expliquer ce qui peut se passer au niveau des systèmes autres que le système solaire. Et donc, avec cette compréhension de... Puisqu'en fait, ce qui était aussi la compréhension jusqu'à encore pas très longtemps, c'est le fait qu'on a une atmosphère qui est protégée par un champ magnétique, et c'est là où on va avoir des ressources d'eau. Or là, sur la Lune, non seulement on n'a plus de champ magnétique, enfin, il y a des traces résiduelles, on sait qu'il y en a eu un à un moment donné, mais là, on n'en a plus. On n'a plus d'atmosphère, et là, il semble qu'il y ait effectivement de la présence d'eau. Donc, si on arrive à trouver de l'eau sur la Lune, pour notre compréhension, en fait, des mécanismes d'apparition de la vie, et puis de la compréhension plus globale dans le système solaire, et même ailleurs du système solaire, ça va être formidable. Michel Vizot, une toute dernière question. Vous partagez cet avis de Agnès Fienga. D'abord l'enjeu scientifique, d'abord la compréhension scientifique de la présence d'eau sur la Lune avant de tirer des plans sur la comète, ou plutôt sur la Lune. Alors, on peut faire beaucoup de plans sur la Lune, mais je pense que l'intérêt scientifique, il est indéniable. Vous connaissez le débat qu'il y a sur l'origine de l'eau terrestre. Déjà, oui. Donc je pense que notamment l'étude de l'eau et de ses différentes formes de sa présence sur la Lune va peut-être aider à comprendre un peu, ou à mieux comprendre les origines de l'eau terrestre. Parce que je pense pas qu'elle soit unique, elle est probablement multiple, et ça permet de comprendre toute cette formation des planètes, etc. Et là, l'exobiologiste que je prétends être rejoint tout à fait la planétologue qui est tout à fait Agnès, dans un sur le fait que l'intérêt scientifique est indéniable. Certes, actuellement, on s'oriente beaucoup sur ces aspects, je dirais, de prestance, colonisation, je n'aime absolument pas ce terme, mmh, d'exploration humaine de la Lune, d'établissement de bases permanentes, éventuellement d'utilisation de la Lune comme station-service, mmh, oui. Mais derrière, d'abord, il y a de la science qui va se faire et qui va apporter énormément de connaissances, et c'est l'intérêt aussi d'aller sur la Lune. Et on suivra évidemment tout ça avec beaucoup, beaucoup d'attention. Je suis désolé, Michel Vizot, de vous couper, on n'a plus le temps. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux, Agnès Fienga, Michel Vizot, de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure pour parler de la présence d'eau sur la Lune. Un grand merci également à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Natacha Triou, Céline Lausanne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Eve Etienne, Alexandra Delbeau, François Malordi, à la réalisation Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui Laurie Vachon. Demain, nous retournons dans l'espace avec une émission consacrée à l'observation de la Terre par les satellites. Comment les grands programmes d'observation comme le programme Copernicus contribuent-ils à une meilleure connaissance de notre planète? À demain.